ويحدث بين زوجاته مشاكل وبين بعض النساء بعض الكلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى آخر ليس هناك بيت بدون مشاكل. Il n'y a pas donc une maison sans problème. Parfois, donc, le problème c'est comme le sel dans un plat. La tazid. Il faut pas en mettre trop. Et des fois, donc, il y a un amour et une affection qui sont créés après un problème. La budda an nakoun muhtarifin. Il faut qu'on soit professionnel pour résoudre nos problèmes. Nos problèmes dureront très certainement. Dans ma propre maison, j'ai des problèmes. C'est vrai. Voilà, on n'est pas en train de parler dans le sud. En train d'avoir un débat philosophique, soyons réels. Je mets au défi celui qui n'a pas un problème chez lui qui lève la main. Je le mets au défi. Même entre les femmes, si on pose la question, très certainement il n'y en a aucune qui va lever la main. Si tu vois que ta femme elle est en colère, préoccupe-toi par autre chose. J'ai pas dit qu'il faut fuir. Va au marché. Pour que l'atmosphère va devenir un peu. أنت يا بنتي. توصي ما في. إذا شفت زوجك غضبان. Si tu vois ton mari en colère. ولا ك. Il vaut mieux ne pas parler. Escoute. Retiens la parole. نصيحة. Ça c'est un conseil. إن تكلمت. Si tu parles. مثل الغاز على النار. Voilà, c'est du gaz sur le feu. ستزيد المشكلة. هو غضبان. مفعل. Donc il est en colère. المرأة العاقلة إذا رأت زوجها قد على صوت وحمضت أوداجا وشخصت عيني وكأنما هو مفترس تطلق رأسها في الأرض ولا حتى يفرغ الشحنة هذه التي يفرغها jusqu'à ce que la décharge qui est en lui, elle se dissipe. Après, très certainement, les choses retrouveront leur cours. Et nombre, c'est parmi les sages, se mettent en colère. Et lorsqu'ils retrouvent leur calme, ils s'excusent. إذا قال لك أنا آسف لا تقولي روح امشي أم تتكلم علي ولا أن تقول كذا إذا قال إذا قال لك زوجك أنا آسف ton mari te dit je dis pas que t'as haussé le ton et t'as parlé. Il dit j'accepte tes excuses. Après cela, on peut mener un dialogue. Là on peut réformer et réparer les problèmes. Si tu dis va-t'en, voilà, donc il s'est rabaissé quelque part et il est venu vers toi. Donc, reconnaissance dans l'erreur, il recherche à résoudre un problème. Donc, j'accepte des excuses. Avec quelques propos. Et quelques propos doux, donc. لا بأس يحصل الحمد لله. أنا السبب، الأولاد السبب، الريحة بالبيت كانت السبب، ممكن أنت في العمل مشغول. بعض الناس يأتي من العمل مرغوب. وأول ما تأتي أنت وتأتي رافع خشمك غضبان ولا تريد أن تتكلم هي تريد يعني شيئا من ما يعوض العشر ساعات tout ce qu'elle cherche c'est quelque chose pour combler ce vide qui a duré pendant 10 heures ما الفرق لو دخلت عليهم في البيت C'est quoi la différence si Salam alaikum. Salam. كيف الحال يا سلام الأطفال قبلت أطفالك حبيت أطفالك حبيبي تعال أنا ما شاء الله اليوم كيفك تعبان شوي تأخرت عليكم في العمل كيف حالك يا زوجتي كيف الحال بخير وأيضا يكون شيئا من الأمور التي بين الرجل وأهله حياة حلوة ça c'est une vie agréable فقدتك عشر ساعات elle t'a pas vu pendant 10 heures Donc, essayez de compenser ce vide avec des propos doux. Donc, une situation honorable. Donc, des choses que vous savez très certainement. Et voilà, celui qui est marié qui l'informe, celui qui n'est pas marié. صحيح ولا لا؟ موجود ولا مش موجود؟ قد تكون حياتكم حلوة. وهذا من إصلاح المجتمع. تقول امرأة إني مكثت مع زوجي وكان زوجها كثير الغضب كثير المشاكل. يعني كل يومين ثلاثة أيام عنده مشكلة. الشارع مشاجرة رجل ما يتحمل أحد. فقالوا لزوجته لك 30 سنة مع هذا الرجل ما ضربك ولا مد يدك قالت إذا غضب علي Parce qu'il se met en colère contre moi. Là, Donc je le regarde pas. Voilà. Je croise pas son regard et je parle pas. Voilà. Une femme intelligente. Comment se comporter avec les liens du sang innovateurs qui nous appellent à leurs innovations et appellent ceux de nos familles à leurs innovations. كيف التعامل مع القرابة أو ذوي الأرحام الذين هم على بدعة ويدعون إلى بدعه. إن كانت البدعة من الشركيات. Si cette bid'a relève de la shirk. أو الكفر. Bien la méfiance. لابد من الحذر. Faut très certainement prendre garde. Même si donc il n'y a pas donc des relations, des liens. Il se peut que donc la personne soit éprouvée par un père ou une mère.

في البيت وخدمة البيت إذا أذن لك هو بالعمل بعض وقته منك ذهبت إلى العمل فيه donc qu'il t'accorde donc un certain donc le temps que tu dois lui donner pour le travail donc tu peux travailler. أنت ما تبي من فلوسه هو لا صار هو عنده فلوس. Toi tu aimerais pas prendre donc de son argent s'il avait d'argent. التعاون طيب. Donc c'est une façon de s'aider et s'entraider. والرجل الحر. Et donc l'homme véritable. يزيد امرأته ما يأخذ. C'est lui qui doit donner à sa femme et non pas il. زيدنا ما تأخذ. زيدها ما تأخذ منها. Donc tu lui donnes mais tu prends pas. إلا أنها هي تعطيك. Si c'est elle qui donne. شكرا لها. Merci. يا بنتي. Oh ma fille. تريدين المال ولا حياة الطلاق؟ Voilà donc tu veux quoi l'argent ou bien la femme d'une femme divorcée la vie d'une femme divorcée. على كل. أحيانا أنت تشتري له هدية بمبالغ ضخمة. Voilà, parfois donc tu lui achètes des cadeaux qui ont de la valeur. وهو أيضا يتعب يجمع لكم المال. Et aussi donc lui il travaille pour ramasser de l'argent pour la maison. على كل لا يحق للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا بإذنها. Dans tous les cas donc il n'est pas permis à l'homme de prendre de l'argent de sa femme sans sa propre permission. والتعاون طيب. Mais s'entraider c'est quelque chose de bien. وأكرر. Je répète encore. عطها لا تأخذ منها. Donne-lui, ne lui prends pas. Et si elle te donne. Je suis une sœur reconvertie, alhamdulillah. Si je souhaite me marier, puis-je me retrouver seule avec mon tuteur et un autre homme, en sachant que mon tuteur n'est pas mon mahram. تقول في حالة إذا ما رغبت في الزواج فهل يحق لها أن تتواجد مع وليها ورجل آخر علما أن وليها ليس من محارمها. لا faut-il se baser pour choisir son futur époux? Romania, la chouroq, on le valait, il a dit, et j'ai vu un touraïa, et qui a les autres. Un des albums? Quel est l'album? Tachta? Choisi? Il y a l'été Tachta. C'est elle, normalement, qui est choisie. Et c'est l'été, il y a Tachta, le rétal. C'est pas elle qui doit choisir les hommes. Elle m'a dit Tachta. C'est là, c'est on demande une femme. Voilà Tachta. C'est pas elle qui demande au mari. لا مانع من أن تعرض المولية الصالحة نفسها على الرجل الصالح لا بأس. يا هو كان مال سي. أما إن أرادت. Elle se propose comme épouse pour quelqu'un de pieux. أما إن أرادت ما هي صفات الزوج الذي توافق عليه. Maintenant si elle cherche quels sont les critères qu'elle doit prendre pour accepter son futur époux. فبعض البنات عندها شروط غريبة. Voilà, il y a certaines filles qui ont des conditions vraiment étranges. تريده جميل. Elle veut beau. عنده مال. Riche. يحب السفر. Voyage. هذا ليس الزواج. Ça c'est pas un mariage. يكون صالح. Je cherche la piété. أن أتاكم ترضون دينه وخلقه. Celui qui vient vous demander alors vous agréez sa religion et son comportement. زوجه. Marie. أما بالنسبة للمرأة. Quant à la femme. تنكح.

d'école musulmane proche, et que l'école enseigne les langues de la mécréance, et que l'État rend obligatoire l'instruction. إذا كانت المرأة عاجزة عن تدريس أولادها في بيتها علما أنها ليس هناك مدارس للمسلمين قريبا وأن التعليم هنا إجباري وفي بعض وفي المدارس يعني هناك أفكار كفرية وشركية فما العمل؟ ارجعوا بلد بابون خشف Si l'homme refuse toute indemnité de la femme et accepte le divorce, celui-ci est-il toujours valable ou doit-il y avoir obligatoirement une indemnité, à savoir que le mari a refusé la remise de la dot et n'importe quelle autre indemnité. قال إذا خلعت المرأة زوجها ورفض يعني قبل الخلع ورفض أن يأخذ أي مقابل حتى المهر ف هل هذا الخلع يعني مقبول أو لا بد أن يأخذ الرجل مقابل؟ إذا طلقها. قسم المرأة يبغى ميول على بيتي. أنت. إذا أخذ شو اسمه هذا؟ هذا الرجل يستحق قبلة على رأسه. Cet époux, il mérite qu'on lui embrasse la tête. Donc, il l'a laissé, il lui a laissé toute chose. Donc, celui qui veut parler de moi, je lui laisse tout. Je n'ai rien de ce genre. Mais il aurait fallu le mieux de t'être divorcé. Ou bien on la garde avec bonté. Ou bien la laisser partir avec bienveillance. وهذا قد صرحها بإحسان. celui-là donc il l'a laissé partir avec bienveillance. وفي مثل هذا يكون الطلاق. et dans ce cas-là c'est un divorce. نعم. un imam qui assiste à l'église le jour de Noël et avant la fête pour faire un discours, quel est son jugement? الإمام يدخل الكنائس ويحضر أعيادهم ويقوم بخطاب في كنيستهم فما الحكم؟ المسلم مسلم. المسلمون إذا مسلم. والنصراني نصران. الكريتيان إذا كريتيان. هذا الهدي وهذا الهدي. شاكين صغوليجي. اللعب ما يصلح. Donc s'amuser, jouer, c'est pas quelque chose qu'il faut. Non. Donc, j'ai des doutes que mon mari a arrêté la prière, car la plupart de la journée il est dehors et quand il rentre, je ne le vois pas prier. Si cela s'avère exact, quel est et qu'il a arrêté la salade, donc que faire? Pour le tchouk, il y a un tarak à salade. Il y a un oralib, il y a un kharij al bayt, ou il y a un kharij al bayt, la tarahu, il y a un salade. Il y a un tabata, un tarak à salade, le balhur. Là, ma tarak à salade. Je ne pense pas qu'il a négligé la prière. Tu lui as posé la question. Tu lui as dit, est-ce que tu pries? Il t'a dit non. Quand est-ce que tu pries? Il se peut qu'il a prié dehors dans la mosquée. Bina al-haya al-dhunun ghalat. Donc faire une vie de couple qui est basée sur les doutes, c'est une erreur. Hulwa al-haya wadha. Une vie heureuse, c'est une vie qui est claire et évidente. Mukashafa. Voilà, tout est clair, rien à cacher. Amma al-dhunun wa adhun anti adh-dhunnin wa huwa yadhun. Je pense que haya ta'ba. Ça s'épuiser, se fatiguer, cela c'est dans la vie. Ab, ant ma tsalli. Pose la question clairement, tu ne pries pas. Si il dit non, je ne prie pas. Donc là, il en découle d'autres règles. سيدي سي جو بري سي بون والفجر صلي انت تو دونك او فجر فوق تي تي ماشي قومي صلي يمكن نسمع مثل تنامي يمكن انت مثل تنامي يسوتو كمان انت واش دوار لك لويتي بريبان قومي صلي بيت صالح ما تدرين الفجر هو يصلي ولا ما يصلي يمكن أنت ما تصلي مثله est-ce que le drapeau de Daesh est représentatif de l'islam. Et y a-t-il un mal à avoir ce drapeau? Daesh. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est le din. Donc la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est notre religion. Rafida yaqulu muslimin. Même donc, Rafida se dit musulman. Hitler. شعاره الصليب. Son symbole c'était le croix. شعاره كروس الصليب. وهو رمز للنصرانية. والنصرانية ترفض هتلر. Et donc le christianisme rejette en bloc Hitler. ويبقى هتلر. هتلر. داعش. وين اتخذت شعار الإسلام؟ Même si elle revendique un emblème d'islam. المملكة العربية السعودية رايتها لا إله إلا الله محمد رسول الله فغايتها في رايتها أما هم غايتهم تختلف عن رايتهم اتخذوها شعار Ils ont fait ça comme seulement un emblème. حتى يسقط الضعاف ويذهبون معهم. C'est un abat pour attirer les faibles d'esprit. إلى المحرقة. Qui les ramène donc dans l'incendie dans lequel ils se trouvent. وغدا ندعش داعش. Demain, inshallah, on va s'occuper de ça. وكلامنا عن داعش. Le discours sera sur ça. غير. Par quel moyen le musulman peut-il se distraire à l'extérieur de chez lui alors que la mixité se trouve partout? Est-ce que le musulman a le droit de se distraire dans les lieux préparés à cet effet comme les parcs d'attractions, parcs de promenade, forêts, plages, cirques? Donc, les moyens qui sont les moyens qui sont les moyens qui sont les مكان الأماكن المعدة لهذا ك يعني الملاهي والحدائق والغابات والبحار يعني شواطئ البحار لا بأس اذهب لشاطئ البحر يبون من دون كشفاء بلاش الذي ليس فيه عرى اذهب للغابة يبون الفوين التي ليس فيها موسيقى ولا عري يبون ميزيك يبون الجون الغابات كثير الفوين سو نومبرز أنا من جيتكم هنا يوميا أمشي. يعني depuis que je suis venu chaque jour je marche. ساعة وربع. une heure et demie. أحيانا أمشي المدة كاملة ما ألاحظ. ما أشوف أحد. يعني parfois je marche donc pendant tout le temps et je croise personne. اختار الوقت. donc choisis l'heure. الذي الناس فيه فيما هم فيه وأنت ترتاح شوي. voilà choisis donc le moment où les gens ils sont occupés à autre chose et toi donc. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إن كل لهو باطل إلا مداعبة الرجل لزوجته أو ملاعبته لفرسه أو السباحة أو الرماية عندكم أماكن خاصة للرماية اذهب له ترفيه اجعل لك ترفيه في البيت أنت مع أولادك هناك ألعاب للرماية موجودة تباع في الأسواق. donc chez toi tu peux même هذا وجه من الترفيه. ça c'est une façon de se distraire. النزهة. donc les promenades. النفوس بحاجة إلى استجمام. donc les âmes ont besoin donc de changer d'air. ومتعة ونوع من الفرح.